مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فنواصل إن شاء الله. comme on a pris un peu de retard, donc on va directement débuter إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى وجواب بالفاء والواو وأو. نعم، وأو. المؤلف رحمه الله تعالى après avoir évoqué أن المضارع ما كان في أوله إحدى الزوال الأربعة إلى آخره، فقال: هو مرفوع أبدا. قال: حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. donc après nous avoir évoqué que الفعل المضارع il est دائما مرفوع jusqu'à ce que rentre un amil, soit un nasib ou soit un jazim qui va le rendre soit mansoub ou bien majzoum. Donc il a été obligé, après avoir évoqué qu'est-ce que le mudari' ila akhirihi, d'évoquer qu'est-ce que le nawasib ou qu'est-ce que kadhalika al-jawazim, comme ça vient inshallah ta'ala après. Donc c'est pour ça qu'il a évoqué هنا al-munasaba. Pourquoi il a évoqué al-nawasib? Parce qu'il a dit que le fi'l al-mudari' il est marfou' abadan hatta يدخل عليه الناصب والجازم. فاضطر المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما هو النواصب. donc il a été يعني d'une certaine manière obligé de exposer qu'est-ce que النواصب. فقال: النواصب عشرة. وهذا كما قلنا المؤلف رحمه الله تعالى في الجملة هو كوفي، يعني يتبع في القواعد النحوية مذهب الكوفيين. Il prend l'idéologie qu'ont les koufiyoun dans al-Nahwu. فَلِذَلِكَ قَالَ أَنَّ النَّوَاصِبْ عَشَرَةً وَفِي الْحَقِيقَةِ. Il a dit ok, في الحقيقة النواصب ils sont pas au nombre de 10 selon le madhab de Basriyin qui disent que النواصب ils sont au nombre de 4. C'est les 4 premiers qu'il a évoqués: أَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَيْ. Ça c'est النواصب. يَخْتَلَفُ فِي مَا بَيْنَهُمَا لَكِنْ الذي يظهر الأشهر، celui qui est beaucoup plus répandu, c'est le madhhab des Basriyin في هذه المسألة، أن النواصب أربعة. Il faut savoir que النواصب هو على أقسام. النواصب هي على أقسام. قسم ينسب الفعل المضارع بنفسه. Une catégorie qui va rendre le فعل المضارع منصوب بنفسه par lui-même. Et c'est les quatre premiers qu'il a évoqués. فلذلك قلنا أن النواصب تم كم؟ أربعة: أن ولن وإذا وكي. ces quatre نواصب ce sont des نواصب تنصب الفعل المضارع بنفسها par elle-même terme. Ça, c'est le premier qism. Wal qism al-thani ma yansibu al-fi'l al-mudari' bi an mudmara jawazan. Il y a une deuxième catégorie qui va rendre le fi'l mudari' mansoub, lakin laysa bi nafsihi bi wasitati an al-mudmara jawazan. Il va rendre le fi'l al-mudari' mansoub pas par lui-même, lakin par l'intermédiaire de n qu'on a pu évoquer. C'est pour ça qu'il a évoqué en premier lieu n. On va voir pourquoi, parce que c'est umul bab, c'est comme inna ila khalihi. Tam bi n mudmara, mudmara c'est-à-dire qu'elle n'est pas évoquée. Tam elle n'est pas apparente. Tam mudmara al-damir kema n'am on a évoqué, c'est la chose qui n'est pas évoquée. Tam al-damir c'est la chose qui n'est pas évoquée. Yani c'est la chose qui est khafi. Mathalan aqul abin amma fi damirik. Expose ce que tu as, yani au fond de toi. Yani c'est une chose qui n'est pas voyante. C'est pour ça qu'ils ont dit, bi'an mudmara, c'est-à-dire qu'elle n'est pas apparente. Jawazan, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître comme elle ne peut ne pas apparaître. Et ça, c'est avec quoi? Lam ukay, comme il a évoqué Runa. Et on appelle kadhalika, on va le voir, lam at-ta'lil. Inch'Allah, yani. Lam at-ta'lil. On peut l'appeler lam at-ta'lil ou lam ukay. T'as fait cette lam-là, on va le voir, Inch'Allah. Tum, plutôt, yani, tansib. الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة جوازا. تبا رندر الفعل المضارع منصوب با بار ال ميم باسكو سان حرف جر. الحرف جر كما لابلي ايفوكي الى ايفوكي كو لو خفض اي رونت با دون لي افعال كوم الجزم يرون با دون كوا دون لي اسماء. تام دونك سا بو با اتر ان جازم اون شوز سا بو با اتر كوا بلوتو سا بو با اتر ان ناصب اون شوز سا بو با اتر ناصب اي خافض سي با بوسيبل. تام سان حرف جر لكن ان فيريتي لو فعل المضارع الى منصوب après cette lame par n al mudmara tam qui est caché, et cela ça peut être jawaz, c'est jawaz, c'est-à-dire que tu peux la faire apparaître comme tu ne peux ne pas la faire apparaître, yani tu as le choix. Et le qism al thalith ma yansibu al fi'l al mudari' bi an bi wasitati an mudmara wujuban, la même chose que le premier plutôt le deuxième, sauf que là an al mudmara elle n'apparaît pas wujuban, jamais tu la vois apparaître après ces lettres là qu'il va évoquer, qui sont celles qui sont après, c'est-à-dire lam al juhud hatta wal jawab bifa wal waw wa aw. Donc là il a évoqué al nawasib wal nawasib ala thalathati aqsam. Al qism al awwal ma yansib al fi'l al mudari' bi nafsihi wa hiya al arba'atu al ula an ولن وإذا وكي. قسم آخر ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة جوازا وهو واحد. ما هو لام كي؟ كما نقول كي on l'appelle aussi كذلك لام التعديل. والقسم الثالث ما ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas أن مضمرة. C'est pas ces lettres-là qui sont ناصب, لكن أن المضمرة qui n'apparaît pas. Qui est lam al juhud hatta wal jawab bifa wal waw wa aw. Donc ça c'est an nawasif. Et si jamais on venait à vouloir dénombrer an nawasif, on dit an nawasibu arba'a, et c'est pas ashara, parce que comme on va le voir, ces choses là celles qu'on a pu, il y en a les quatre plutôt les celles qui suivent après, les six qui suivent après, à partir de lam al kay, c'est pas par elle-même, parce que c'est lam al kay c'est un harf jar, hatta kazalika c'est un harf tam fa c'est un harf, donc ça peut pas être, c'est pas des hawamil, dans le sens où certains ils sont harfu jar et l'akhir. Donc ça c'est min bab al jumla, yani si on venait à expliquer an nawasif min haythu, d'une vue d'ensemble, annahu arba'a et annahu ala thalathati aqsam kama dhakarna. Fa bada al mu'allif rahimahullah ta'ala bi an, wa limadha bada bi an wa lam yabda mathalan bi lan aw bi idhan aw kay ila akhirih. لأن قالوا أن هنا سأم الباب. تمام؟ أن سأم الباب. C'est-à-dire c'est le marja, c'est la référence des nawasib. Pourquoi? Parce que c'est elle qui rend mansoub binafsiha, et c'est le mansoub dans tous les cas. نعم. C'est le mansoub dans tous les cas, sauf pour l'an wa idhan. تمام؟ Et on va voir نعم. كي كذلك. لكن dans les autres, c'est elle qui va rendre mansoub. C'est pour ça que c'est أم الباب. C'est elle qui fait cette tâche là. C'est celle qui a l'emploi, elle ou Arifa, de rendre mansoub le fi'l al-mudari, terme le fi'l al-mudari. C'est pour ça qu'il a cité en premier lieu, parce que c'est Ummul Bab, Ey Marja'a Shay. Kadalika, dans certaines abouab, مثلا Inna. Kadalika, Ummul Bab. Terme, ils disent Inna ou Akhawatiha. Comme Inna ou Akhawatiha. Ou ils disent مثلا Kana ou Akhawatiha. Yani, c'est Ummul Bab. C'est-à-dire, c'est le Marja'a, c'est la référence. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé par An. Amma An, on l'appelle An Mudmara Nasiba Wastaqbal. Terme, elle a trois emplois. Mudmara, oh putain, on va commencer par le premier. An Nasiba. An Harfu Nas, si tu veux, on dirait comme ça. An, c'est Harfu Nasbin ou Masdarin Wastaqbal. Donc, trois choses. Nasb, Masdar Wastaqbal. Pourquoi on a dit Nasb? Parce qu'il va rendre mansoub le fial qui viendra après. تام أريد أن تدخل البيت مثلا أريد أن تدخل البيت تام أن هنا تام إلى ناصبة بس كي بعون الفعل المضارع بعده منصوب كم سلكا ها هنا et مصدر بس كي أن avec le fiel qui va venir après elle sera في تأويل مصدرين c'est-à-dire tu vas l'interpréter comme étant un مصدر أن avec le fiel qui va suivre derrière tu vas l'interpréter comme étant un masdar. مثلاً قول سبحانه وتعالى وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ هُنَا أَن تَصُومُوا si jamais tu venais à faire l'Arab il est un peu compliqué لكن هنا أَن تَصُومُوا بِمَعْنَاش سِيَامُكُمْ comme lorsque tu vois أَن rentrer dans un fi'l mudari فَعْلَمْ أَنَّهُ أَنِي الْأَن وَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ c'est-à-dire un fi'l mudari في تأويل المصدر تم على interpréter comme étant un masdar. قولوا سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم أي معنى ذلك صيامكم خير لكم l'exemple que j'ai cité يعني juste avant أحب أريد أن تدخل أي أريد دخولك أريد دخولك أن avec تدخل on le met comme si jamais c'était un مصدر تمام on va le voir parce que je sais maintenant pas dans ce livre là لكن que les asma ils se divisent en plusieurs catégories t'as des asma ظاهرة مثلا محمد إلى آخره et t'as des asma qu'on appelle quoi مصدر مؤول t'as مثلا on va donner comme فايدة مثلا قولوا سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم si jamais tu fais l'arabe de أن تصوموا tu diras أن حرف نصب ومصدر واستقبال تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة صنع بالواق كل أمثلة الخمسة يسمى منصوبة بحذف النون تمام والواو يعني أن تصوموا الواو على فاء والواو ضمير متصل في محل الرفع فاعل وأن وما دخل عليها صدر الفعل المضارع وأن وما دخل عليها أن الفعل المضارع في تأويل المصدرين تقديره سيامكم. Pourquoi on a dit سيامكم? Parce que le waw هنا c'est waw al-khitab. Anta sumu et que vous jeûnez. Donc là, lorsqu'on va faire le ta'wil, il faut le damir qui soit approprié. Donc là c'est kum, parce qu'on a fait un khitab. Anta sumu, là on a fait un khitab, donc le khitab, kathalika, il faut qu'il soit retrouvé dans le masdar. Et ensuite tu diras, anta sumu, lorsque tu auras fini l'arabe, anta sumu, fi mahal, ani hadil jumla, fi mahal, raf mubtada. Parce que antasumu c'est pas en vérité c'est comme si jamais c'était quoi un ism tam c'est siyamukum khayrun lakum wa khayrun lakum ila akhirih tam c'est le khabar tam donc là on a pu voir que an lorsqu'elle rentre dans l'affaire le mudari elle va avoir la particularité de le rendre mansoub et kadhalika elle et le fi'l le mudari se transformer en masdar tam se transformer en masdar tam ça c'est sa deuxième fonction la troisième c'est quoi wastiqbal c'est un harf istiqbali yadul alash al-istiqbal on a pu voir qu'est-ce que l'istiqbal ou al-hadath alladhi hasala ba'da zaman al-takallum c'est l'action qui est survenue qui va survenir après qu'on ait parlé après qu'on ait parlé donc an lorsqu'il va rentrer dans le fi'l mudari' c'est une qarina qui montre que le fi'l al-mudari' huna ash yani lil-istiqbal anahu lil-mustaqbal donc ça c'est les trois fonctions de an harf nasb parce qu'il va avoir mansoub wa masdarin parce que elle et le fi'l mudari' ils vont être transformés en مصدر و نعم استقبال لانها تدل على الاستقبال يعني تفيد في الفعل المضارع على الاستقبال الفعل المضارع après terminera la معنى de الاستقبال تمام donc ça c'est معنى ان ça c'est معنى de ان قال ولن كذلك لن Tam, c'est un harf parmi les huruf qui rend mansoub al-fi'l al-mudari' bi nafsihi. Tam, lan huna, c'est un harf nasbin. Comme on a pu évoquer. Parce qu'il va rendre mansoub le fi'l al-mudari' alladhi ba'dahu. Wa nafyin, parce qu'il a la notion de la négation. Wa istiqbal, il a la notion, il va donner la notion au fi'l al-mudari' du futur. Harf nasbin wa nafyin wa istiqbal. Tam, wa istiqbal. Mathalan, قوله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تم ولن تفعلوا si on fait l'arabe de la ولن تفعلوا on prend juste لن تفعلوا on dira لن حرف نصب parce qu'il va la rendre منصوب ونفي parce qu'il apporte la négation واستقبال parce qu'il apporte au فعل المضارع le sens du futur تم و فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تفعلوا فعل المضارع منصوب بإيش بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل تمام ça c'est l'arabe de لن تفعلوا et كذلك avec لن تفعلا تمام on dira la même chose sauf que l'arabe va changer on dira que le فعل المضارع est منصوب بال il est منصوب بالبلان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره على حسب du فعل المضارع تمام Donc ça c'est quoi? C'est l'an. وَمِنَ الْفَوَائِدَ الَّتِي C'est bien d'évoquer ici. أَنَّ l'an لَيْسَتْ هِيَ تُفِيدَ التَّأْبِيدِ Certains ont évoqué comme Zamakhshari, Mahmoud Zamakhshari Al-Mu'tazili. C'était un grand Nahwi, un grand grammairien qui était dans l'i'tiqad, qui était un Mu'tazili et qui agréait d'être un Mu'tazili. Parce que certains disent ce sont des Mu'tadi' lakin ils prétendent qu'il est d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Amma lui, il disait moi je suis Mu'tazili. C'était un grand égaré, lakin il avait de fortes connaissances dans la langue arabe. فهذا الإمام أو plutôt هذا الإمام يعني فضلال il a évoqué que لن تفيد التأبيد. Parce qu'il voit que l'an, ça apporte le sens de l'éternité, c'est-à-dire la négation éternelle. Da'iman. Si jamais tu rapportes l'an, c'est pour une négation qui ne se finit pas, éternelle. Et comme Ma'ruf, il y en a certains des gens de, et beaucoup même, des gens de fil al-Nahwu, al-Nuha, ce sont des gens qui sont égarés dans le Mu'taqad. Il a pris la parole de Qawlu subhanahu wa ta'ala, l'an tarani. Lorsque Moussa, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. فقال الله سبحانه وتعالى لن تراني parce que le eux ils voient que al mu'minun ils verront pas Allah azza wa jalla yani yawm al qiyamah et dit c'est quoi le dalil qui nous prouve cela قال الله سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر الى الجبل الى اخره الايه فقال لن تراني هنا لن سنفي éternel c'est à dire ابدا يعني نفي نفسمه نفي تابيدي تمام الى الابد اي لن تراني ابدا tu me verras jamais Parce qu'il dit que l'an tufid at ta'bid. فهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. ورد على ذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله par rapport à la ayah dans laquelle il est évoqué que les kuffars ils vont pas dans la vie d'ici-bas demander dans la vie d'ici-bas ils ont évoqué qu'ils ne veulent pas mourir. C'était quoi déjà la ayah نعم ولن يتمنوه ابدا ولن يتمنوه ابدا يعني jamais tam, ils ne vont demander ils vont souhaiter de mourir tam. Ils sont attachés à la vie d'ici-bas donc là si jamais on venait à طبق et appliquer ce qu'il a dit هذا الضال المعتزلي c'est-à-dire que jamais de la vie tam, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou bien dans la vie de l'au-delà jamais ils vont demander de mourir tam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué dans le Coran qui يوم القيامة lorsqu'ils vont voir que l'adab il sera chadid عليهم ils vont demander la mort tamam ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك tam et les kuffar ils vont demander يوم القيامة à Malik l'ange de la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse mourir tam parce que le châtiment de l'enfer c'est معروف كما قال سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيى ils ne vivent pas dedans ils font que de souffrir ni ils vivent ni ils meurent donc là ils ont demandé à mourir tam alors que dans la vie d'ici bas ils ont dit quoi لن ولن يتمنوه ابدا ابدا ils vont demander tam, ils vont souhaiter mourir lakin après ils ont souhaité la mort donc il a dit ça c'est un dalil qui nous montre que quoi que l'an c'est pas la tufid al ta'bid lakin on dit quoi l'an ala al hasab tam ala hasab al jumla selon le contexte a peut avoir la définition le sens du nafi al ta'bid tam la négation éternelle comme elle peut ne pas avoir ce sens-là. Maintenant, on dit subhanahu wa ta'ala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis au défi de ramener un verset qui soit semblable au Coran. Faqala fa illam taf'alu. Et comme vous n'allez pas le faire, wa lan taf'alu, et vous n'allez jamais le faire, là, huna lan, c'est quoi? Bima'anesh, at'abit, c'est-à-dire un affi qui est éternel. Donc, ala hasab. Ala hasab, on regarde la qarina, on regarde le contexte. Et par rapport au contexte, on approprie le sens qui est le plus proche terme pour ce harf-là. Donc c'est un harf nafi. On dit harf nafi à la hasad. Donc harf nafiyin, parce qu'il va faire de la négation, ou nasbi, parce qu'il va rendre mansoub ce qui va venir derrière, le faire le mudara, et c'est binafsihi, ou istiqbal, parce que du fait de l'istiqbal. Lorsque tu dis lan taf'al kada, ay lan taf'al hakada, yani fil mustaqbal. C'est pas fil hal, lakin fi al istiqbal. Donc ça c'est le deuxième harf alladhi yansibu al-fi'la al-mudari' bi nafsihi lan. Qala wa idhan. Qala wa idhan kadhalika, c'est un harf qui va rendre le fi'l mudari' mansub bi nafsihi. Lakin on va le voir inshallah bi shurut, tamam, avec des conditions. Amma idhan, c'est, on appelle ça un harf nasbin wa jawabin wa jaza. Harf nasbin parce qu'il va rendre mansub ce qui va suivre derrière. Wajaza, parce qu'il va être évoqué comme réponse d'une chose qui a été évoquée auparavant. Maintenant, il y a une personne qui t'a dit sa'atlub al-ilm, et tu lui dis idhan tufliha. Idhan tufliha. Sa'atlub al-ilm, idhan tufliha. Huna, idhan, ou plutôt tufliha, il est venu en réponse de ce qui a été venu auparavant. Ce qu'il a dit. La personne, yani, je vais faire du talab al-ilm, et lui il dit idan, donc tu vas réussir, yani, inshallah tabaraka wa ta'ala, yani, c'est en réponse de ce qu'il y a avant. Pour ça qu'il m'a appelé aish harfu jawab, en réponse ou bien en récompense, ala hasab, de la jumla. Maintenant, si jamais il dit najahtu, najahtu fi l'imtihan, فقال اذا اكرمك تمام نجحت في الامتحان j'ai réussi l'examen, et lui dit idhan ukrimak, donc je vais te récompenser, je vais t'honorer, tamam, je vais t'honorer. Là c'est harf nasbin wa jaza, parce que là il va le récompenser, tamam. Donc ala hasab, si jamais yaqtadi, ça implique que c'est une récompense, on va appeler harf jaza. Et si jamais ça implique que ce sera un jawab, une réponse à une chose qui est venue auparavant, on l'appellera harfu jawab, comme dans le premier utlub al-ilm faqala idhan idhan tufliha, idhan tufliha. Donc on appelle ça harfu nasbin parce qu'il va rendre mansoub, ou jawab ou jaza, tamam, ala hasab, comme on a pu évoquer à travers les exemples. Lakin il faut savoir que ce idhan tam yansib al-fi'l ou yansib al-fi'l al-mudari', lakin bi shurut, tam dhalika bi shurut. الأول يعني يصنع على ثلاثة. الأول أن يكون صادرا, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit évoqué en premier lieu dans la jumla jawabiyya ou jazaiyya. Il faut qu'il soit évoqué en, il faut qu'il soit évoqué en premier dans la jumla qui va être en réponse ou bien en récompense de ce qu'il y avait avant, comme on a pu l'évoquer. مثلاً سأطلب العلم إذا تفلح. تفلح هنا c'est quoi? C'est le jawab. Donc là, idan, il est rentré directement. Yani, la première chose qui a été évoquée dans le jawab, c'est quoi ce idan? Et pour que ce idan-là, il rentre dans le souf, il faut qu'il soit évoqué en premier lieu. Si jamais il est évoqué en deuxième lieu, مثلاً, yani, سأطلب العلم, فقال, ستفلح idan. Donc là, dans ce cas-là, idan, il ne sera pas nasib. Pourquoi? Parce qu'il a été évoqué en deuxième lieu. Il a été évoqué après. Une chose l'a précédé. Il faut que ce soit la première chose qui soit évoquée dans le jawab, ou bien dans le jaza, dans la jumla qui est jawabiyya, qui va être en réponse, ou bien jazaiyya en récompense. Donc la première condition, il faut qu'il soit en premier lieu évoqué, il ne faut pas qu'il y ait une chose qui le précède. Deuxièmement, deuxième chart, an la yafsil أن لا يفصل بينه وبين الجواب أو الجزاء فاصل. Il faut pas qu'il y ait une chose qui sépare entre lui et le fi'l al-mudari', la chose qui va être évoquée comme jawab ou bien jaza. Si jamais c'est le cas, eh ben il sera pas nasib. Il sera pas nasib, excepté avec deux choses. Qui est quoi? Al-Qasam wa la al-Nafiyah. Même si jamais ils viennent comme rempart entre idan et le fi'l al-mudari', eh ben dans ce cas-là, yani ça sera un nasib. Que dans deux cas qu'ils ont évoqués, qui sont des cas d'exception, c'est lorsque le farsi, la chose qui va séparer, ça sera quoi? Un qasam, il va jurer wallahi ta'ala ila akhirihi, ou bien la al-nafiyah. Ils ont évoqué tawassa'u ba'dahum, ils ont dit al-nida kadhalika, lakin kama qala shaykhuna Abu Bilal al-Hadrami hafizahullah ta'ala, as-sawab, c'est que la porte, yani si on ouvre la porte à comment ça s'appelle, à tous les fawasil, on va faire du qiyas avec tous les fawasil. Il y a une des choses qui a été évoquée, c'est quoi? Al-Qasam. Yani, lorsqu'on retourne dans la poésie arabe, on retrouve yani, dans l'ancienne poésie, celle qui a été celle qui avant 152 hijres, ils ont évoqué ça. Yani, que Idan, il est séparé entre lui et le fi'l al-mudari' al-Qasam. Et en ce qui concerne la al-Nafia, c'est un qiyas. Ils ont dit la al-Nafia, naham. Parce que ça a été entendu beaucoup. Ils n'ont pas trouvé dans l'ancienne poésie, dans les anciens vers des Arabes, lakin ça a été évoqué énormément sur, yani, chez les Arabes. Yani, ils l'utilisaient énormément. Ils ont fait un qiyas parce que yani, istu'mi'a bil kathra. Amma al-nida et tout ce qu'ils ont pu évoquer derrière, ça, ce sont des choses que yani, c'est un qiyas et ça n'a pas été vraiment évoqué. Donc, ils disent de fermer la porte, c'est mieux. Ils ont entendu une chose, il y a un dalil, dans le sens où ça a été évoqué par les Arabes, donc ça fait partie de la langue arabe, avant 150. Et l'autre, c'est parce qu'ils ont dit que ça a été beaucoup utilisé. Mathalan, si la personne dit, on va prendre le même exemple, Mathalan, c'est Atlub al-ilm faqala, idan wallahi tufliha. Idan wallahi tufliha. Là, huna, il est nasib. Parce que là, il est venu en premier lieu. Et même si jamais là il y a un farsil qui est venu entre les deux, là, ce farsil là, c'est parmi les exceptions. C'est un qasam. La même chose, c'est atlub al-ilm faqala, idan la tadi'a. Idan la tadi'a. Tu ne seras pas perdu. Tu ne seras pas perdu. Idan la tadi'a. Si on fait les arabes, مثلا, on dira idan harfun nasbin wa jawabin wa jaza. La nafia, la tadi' fi'l mudari' mansub bi idan wa 'alamat nasbih al fatha zahira fi akhirih. Donc ça c'est la deuxième condition. An la yafsil baynahum wa bayna al fi'l al mudari' bi fasil. Si jamais on trouve une autre chose, مثلا qala sa'tlub al 'ilm fa qala idan ya 'abdallah tuflih. On dira quoi? Idan ya 'abdallah tuflihu. Il sera marfou' là. Pourquoi? Parce que là, il y a une condition qui n'a pas été requise, qui est qu'on ne doit pas trouver de farsif de choses qui séparent entre idan et le fi'l al-mudari', qui est le cas ici, avec ya al-nida, qui ne fait pas partie des exceptions à la rajih. Certains les ont évoqués parmi les ulama de al-nuha, de nahw. Ils ont évoqué que kadalika, ça fait partie des exceptions, lakin, comme on a pu le voir, il n'y a que deux exceptions, qui est quoi? Le qasam, tam wallahi, tallahi, billahi ila akhirih, et la an-nafiyah bas, tam. Amma le reste, la tam. Ils ont fermé la porte, certains, et c'est la vie qu'a pris tam cheikh Abu Bilal hafizahullah ta'ala, et c'est un avis qui est raisonnable, parce que sinon cette deuxième condition là on a plus à l'évoquer, parce que on va faire un qiyas dans toutes les choses et toutes les choses vont rentrer et vont faire un farsil entre les deux. Tam. Le troisième shart, annahu يدل على الاستقبال أي الفعل المضارع الذي يجي بعد إذن يدل على الاستقبال. Il faut qu'il a la notion du futur. Mais si jamais il a la notion du présent, il a la notion du présent, et ben du hal, et là il ne sera pas mansoub le fi'l ba'dahu, il sera marfou. Il sera marfou. Une personne a frappé à la porte, et dit man فقال فلان ابن فلان قال إذن أفتح الباب. Idan aftah al-bab. Là, on a l'action va se passer directement. Il est juste derrière la porte. Il a entendu quelqu'un frapper. Il demande c'est qui. Il lui dit un tel, le fils d'un tel. Et il dit bah donc j'ouvre la porte. Donc là, il se met à ouvrir la porte directement. Là, il ne sera pas quoi? Il ne sera pas mansoub. Pourquoi? Parce que là, c'est le hal directement. Et il sera le hal et il va ouvrir la porte. Donc là, on dira quoi? إذن أفتحوا الباب. إذن أفتحوا الباب. Il sera pas nasib. Pourquoi? Parce que la condition, il y a une condition qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été requise, je veux dire, qui est que le fi'l al-mudari' qui est venu après إذن لا يدل على الاستقبال. Donc on répète إذن. C'est un harf نصب وجواب وجزاء. لكن بشرط il faut que il soit صادر في الجملة الجوابية. Il faut qu'il soit en premier lieu évoqué dans la jumla jaza'iyya wa jawabiyya. Deuxième condition, an la yafsil baynahu wa bayna al-fi'l al-mudari' alladhi ba'dahu bifasil. Il ne faut pas qu'on trouve un rempart entre les deux. Si jamais c'est le cas, il va être marfou' le fi'l. Excepté pour deux choses qui sont al-qasam. Et ça, c'est une chose que, dont on a un shahid, c'est-à-dire un dalil parmi la poésie ancienne des Arabes. Et on a une autre chose qui n'est pas assamir, mais qui est une qiyas, qui est la al-nafia. Parce que les Arabes l'ont utilisé énormément, même si jamais on n'a pas trouvé de vers de poésie qui prouve cela. Donc dans ces deux cas-là, il va rendre mansoub. Ces deux cas-là, il va rendre mansoub. Mais si d'autres phases, ils viennent entre le fi'l al-mudari', ils viennent entre idan et le fi'l al-mudari', ba'dahu, il sera quoi? Il sera pas mansoub. La troisième condition, c'est que le fi'l al-mudari' ba'da idan la budd an yadull 'ala al-istiqbal. Il faut qu'il apporte le sens de de l'istiqbal. Il faut qu'il apporte le sens de l'istiqbal du futur. Sinon, il sera kadhalika marfou' par rapport à l'exemple qu'on a pu évoquer à la personne qui frappe à la porte. Il dit man faqala fulan ibn fulan faqala idan aftahu ay aftahu al-bab laysa aftaha al-bab li'anna فتح الباب يكون حاليا يسفين actuellement تمام donc là اذن il est ça fait partie des nawasib lakin comme on a pu évoquer بشروط et les شروط qu'on a pu évoquer là à l'instant. On va prendre le dernier inshallah. قال وكي نعم وكي كذلك c'est un حرف تمام ça fait qui fait partie des nawasib c'est un nasib من النواصب الذي نعم ينصب الفعل المضارع بنفسه il va rendre le fi'l المضارع منصوب par lui-même. وكي بمعنى التعليل تام كي بمعنى التعليل il va apporter le sens de la justification تام. Et il faut savoir que ce harf là تام harf كي يعني c'est un harf نصب وتعليل نصب parce qu'il va rendre منصوب تعليل parce qu'il apporte le sens de le pourquoi du comment تام le تعليل يعني il justifie la chose تام. Il va rendre منصوب بنفسه à une condition. C'est que l'am al-jar il rentre pas dans kay. Que l'am al-jar il rentre pas dans kay. Jitu ou safartu ila al-Yaman, safartu ila al-Yamani kay atluba al-ilm. Safartu ila al-Yaman kay atluba al-ilm. On va prendre juste yani kay atluba al-ilm. On dira kay harf nasb wa ta'lil. Wa atluba fi'l al-mudari' mansub bi kay. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره والفاعل يعني الأمير مستتر وجوبا تقديره أنا أي أنا لكي أطلب أنا العلم لكن هنا يبقى أنا on dit pas سافرت إلى اليمني كي أطلب أنا العلم فاس دي با ça suffit de dire أطلب on comprend que c'est أنت تام plutôt أنا تام donc là il sera منصوب تام بنفسه il sera منصوب بنفسه comme on a dit une condition que quoi qu'il n'y a pas le lam le harf le lam al barthlofikum le lam harf jar qui rentre dedans. Donc si jamais c'est le cas, t'as le fi'l mudari' ba'dahu il sera quoi? Il sera mansoub. Lakin il sera mansoub bi an mudmara wujuban. T'as il sera mansoub par la an qui est dissimulée volontairement et qui doit être dissimulée, qui ne doit pas apparaître. On va prendre le même exemple sauf qu'on va rajouter l'am on va rajouter l'am dans kay. سافرت إلى اليمن لكي أطلب العلم لكي أطلب العلم. Si on fait l'arabe لكي on dira لم le لم هنا حرف تعليل تام حرف تعليل تام وكي كذلك تام أطلب العلم ce sera فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا c'est-à-dire n'apparaît pas وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره تام الفتحة الظاهرة في آخره. Donc la condition pour que كي منصوب بنفسها Alla yasbiquha lam al-jar. Il ne faut pas que lam al-jar tama rentre en kay. Si jamais lam al-jar rentre en kay, n'am, le fi'l al-mudari' ba'dahu sera mansoub, lakin ça sera pas bi kay. Il sera mansoub bi an mudmara wujuban. Amma si jamais il est dénudé de lam al-jar, il sera mansoub bi nafsihi, tam, ce sera huwa bi nafsihi qui va rendre mansoub le fi'l al-mudari'. En espérant, Inch'Allah, que ça a été clair. Donc là, on a évoqué le premier qism. Le qism des al-nawasif al-lati tansibu al-fi'l al-mudari' bi-nafsihi. Wa huma arba'a. Al wa hiya umul bab. Et elle a rendu mansoub le fi'l al-mudari' bi-la-shurut. Ça m'a comme on a pu l'évoquer, nasbin wa masdarin, parce qu'elle va, elle avec le fi'l al-mudari' ça va être comme un masdar. Ou istiqbal, parce qu'elle va apporter le sens de l'istiqbal. Le deuxième, l'en, harf nafin wa nasbin wa istiqbal. Il apporte le sens de la négation, il rend mansoub, et il apporte le sens de, du futur. Kazalika huwa bi nafsi, il n'a pas de shurut. Lui, dès qu'il rentre, directement le fi'l sera mansoub bi la shurut. Et c'est laysa bi ma'na ta'bid. Fi nafi, c'est laysa bi ma'na ta'bid. C'est pas lazim. Ça peut être comme ça ne peut ne pas l'être. Wa idan kazalika. Yansoub bi nafsi, lakin bi thalathati shurut. أن يكون صادرا في جواب نعم الطلب في جواب الجزاء عفوا في جملة الجزاء et que il y a pas un khasid qui vient séparer entre les deux excepté si jamais c'est le qasam ou bien la annafia il faut que le fi'l al-mudari alladhi ba'dahu يدل على ايش الاستقبال parce qu'on a pu voir que le fi'l al-mudari قد يدل على الحال وقد يدل على الاستقبال لكن هنا pour qu'il soit mansub bi idhan il faut qu'il soit quoi il faut qu'il soit bimana l'istiqbal bimana l'istiqbal ou sinon si l'une de ces trois conditions n'avait pas requise le fi'l qui va venir derrière sera quoi il sera marfou' le quatrième qui est kay kazalika il va rendre mansoub bi nafsihi bi sharf wahid c'est qu'on ne trouve pas derrière lui lam al-jar si jamais lam al-jar rentre dedans le fi'l al-mudari' il va être mansoub lakin ça ne sera pas bi kay bi an mudmara wujuban inshallah on se contente de cela en espérant que le dars il a été Inch'Allah saisi. Et demain, Inch'Allah, vu que l'heure en France à l'avance, donc Kazalika, je veux dire, recule. Donc Kazalika, on recule le cours et nous, c'est Kazalika, l'heure du Richard, à recul chez nous. Donc c'est plus à 8h15, plutôt c'était 19h15. C'est plus à 19h15, à laquelle ce sera à 19h pile. Et tenter, Inch'Allah, de venir à l'heure afin qu'on puisse prendre yani, le maximum. بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعنا بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك لا ننسى استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي فات كيستيون شان اسكيت سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي